Alors, vous écoutez Futur Simple et nous commencerons l'émission par quelques nouvelles sur la recherche effectuée au Centre canadien de la recherche scientifique et plus particulièrement sur des recherches effectuées sur le cerveau. Oui, alors effectivement, le CNRC, le Centre canadien de la recherche scientifique, émet quelquefois dans l'année un bulletin électronique. C'est un bulletin qui s'appelle, je ne me souviens plus de son nom présentement, mais je vais le retrouver au cours de la chronique. Donc, c'est un bulletin qui est émis par le site Internet. Directement, on peut y accéder sur le site internet du CNRC, et celui qui vient de sortir donc est consacré au cerveau. Donc il y a plusieurs articles, j'en ai choisi deux. Le premier, il rapporte les recherches effectuées par la neurobiologiste Danica Stanimirovitz. Elle cherche un moyen de faire parvenir les médicaments au cerveau, parce qu'effectivement le cerveau c'est un peu un château fort, c'est le centre décisionnel, c'est le centre des opérations, c'est le centre des coordinations, et il faut qu'il soit bien protégé. On n'y entre pas comme on entre dans un moulin, quoi. Non, exactement. Donc, en fait, il est protégé de l'extérieur par la boîte crânienne. C'est quand même une boîte qui est un peu dure à... Qui absorbe les chocs. C'est ça, exactement. Puis même à l'intérieur, il y a une barrière. C'est la barrière hémato-encéphalique. Bon, alors, bien sûr, le cerveau est irrigué par des vaisseaux sanguins. Il faut bien le nourrir, ce cerveau de l'intérieur. Mais pour empêcher que les vaisseaux n'amènent toutes sortes de molécules ou de corps étrangers, pas de bactéries, par exemple, il y a une barrière qui ne laisse pas entrer n'importe quoi. Ça laisse entrer seulement ce dont le cerveau a besoin. Donc, le problème, c'est que la barrière ne laisse pas passer, entre autres, les médicaments. Ben oui, c'est ça, exactement. Et donc, si on veut soigner certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, Ou le VIH aussi. Ou le VIH, ou en tout cas, certaines maladies pour lesquelles on a besoin d'agir dans le cerveau, les médicaments ne passent pas toujours. Puis, la plupart des médicaments, c'est des grosses molécules, comme des anticorps ou même des vaccins. Donc, ça ne rentre pas spontanément dans le cerveau. Donc, ce que les chercheurs du CNRC ont fait, c'est qu'ils ont développé une sorte de cheval de Troie moléculaire qui introduit le médicament à l'intérieur du cerveau. Donc, en fait, comment ça se passe? Sur la membrane, cette fameuse barrière hémato-encéphalique, sur cette membrane, il y a des récepteurs. Donc, ces récepteurs, c'est les gardes de la barrière, finalement. C'est eux qui ne reconnaissent que les molécules autorisées à passer, et ces récepteurs n'ouvrent la porte qu'à ces molécules. Donc la trouvaille du CNRC, c'est d'avoir trompé les gardiens. Donc pour ça, ils ont exploité une classe d'anticorps très particulier. C'est des anticorps, les anticorps, c'est la base de notre système immunitaire, c'est eux qui reconnaissent les microbes, les corps étrangers. Puis normalement, les anticorps ont tous la même structure, en forme de Y, mais les camélidés, les chameaux par exemple, ou les vigognes, eux, ils ont des anticorps différents, qui sont capables de reconnaître les corps étrangers avec une extrême précision. Ils sont plus spécifiques, quoi. C'est ça, exactement. Ils sont plus spécifiques. Donc, puis on peut modifier un petit peu, on peut travailler la spécificité de ces anticorps. Donc, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont modifié ces anticorps de chameau pour qu'ils soient reconnus par le récepteur de la barrière du cerveau, donc par ce fameux gardien qui demande aux molécules de montrer patte blanche, finalement. Donc, la barrière du cerveau, les récepteurs qui sont les gardiens, voient arriver ces anticorps de chameau qui sont modifiés comme des petits amis, et puis ils les laissent entrer, tout simplement. Alors, si je comprends bien, c'est que normalement, ces anticorps-là ne passent pas la barrière, hémato-encéphalique. Non, c'est ça, non, ils ne la passent pas, c'est ça. Et puis là, ce qui se passe, c'est que on les modifie pour être... Qu'est-ce qui se passe? Déjouer les gardiens, en fait. Exactement. On les modifie pour être reconnus par les gardiens, par les récepteurs sur la membrane. Donc, c'est un petit peu comme un passeur, finalement. Mais les anticorps, en fait, de chameau, est-ce que c'est le médicament? Ben non, c'est ça, en fait, c'est pas le médicament. Disons que c'est ce que je disais, c'est le passeur. Donc, l'idée, ensuite, c'est de lui coller un médicament dessus, ou de lui mettre le médicament dans la poche, pour que le gardien ne le voie pas. Donc, en fait, c'est ça, c'est le cheval de Troie, c'est qu'il fausse la vigilance du gardien, puis, ce faisant, il passe à l'intérieur en emmenant le médicament avec. Donc, on colle le médicament sur l'anticorps de chameau, le récepteur dans la membrane qui voit l'anticorps de chameau le reconnaît comme un ami, il lui ouvre la porte, donc il entre, l'anticorps de chameau entre dans le cerveau avec ses médicaments dans la poche, et quand il rentre, à ce moment-là, bah, il se vide les poches, finalement. les médicaments entrent dans le cerveau. Donc, alors qu'il ne pouvait pas y avoir accès avant. C'est ça, exactement. Donc, l'intérêt, c'est que le récepteur de chameau peut transporter plusieurs types de médicaments. Ça peut être, donc, ça peut... C'est une valise de médicaments. C'est ça, exactement. Donc, ça peut être un passeur universel. Donc, il pourrait y avoir plusieurs applications thérapeutiques pour plusieurs maladies. Bon, bien sûr, c'est évidemment pas pour tout de suite, c'est en développement, mais c'est quand même une avenue très intéressante, j'ai trouvé. Est-ce qu'on sait si ça peut s'appliquer chez l'humain, ça? On sait que ça s'applique chez les camélidés, mais chez l'humain, non, est-ce non, qu'il y en a... En fait, ils ont utilisé les anticorps de chameau, mais... Chez les humains? Ben, en fait, je ne sais pas si l'étude a été faite vraiment chez les humains, mais c'est pas pour utiliser chez les chameaux. C'est comme, bon, il y a beaucoup d'anticorps dans la médecine, on utilise souvent des anticorps de lapin, même chez l'humain. OK, ils ne sont pas rejetés par le système immunitaire. Non, c'est ça. Donc, c'est juste qu'ils auront utilisé ces anticorps de chameau parce qu'ils ont une structure différente, qu'ils sont capables de plus de spécificité, d'affinité. Mais ensuite, c'est pour effectivement les utiliser chez l'humain. Alors, et la deuxième recherche dont tu voulais nous faire part concerne une nouvelle méthode permettant de toucher l'intérieur du cerveau sans ouvrir la boîte crânienne. Oui, donc, et puis là, ce qui est bien intéressant, c'est vraiment de toucher sans ouvrir la boîte crânienne. Donc, alors, c'est comment qu'on met le caramel dans la caramel, que ça, là? C'est ça. Donc, bon, il y a des techniques d'imagerie qui permettent de voir dans le cerveau et puis éventuellement de localiser une tumeur, par exemple. Mais ça, ça dit rien sur la consistance de la tumeur. On ne sait pas si c'est un tissu qui va être mou ou qui va être dur. Et contrairement à une tumeur dans le sein, par exemple, on peut pas palper la boîte crânienne pour savoir à quel genre de tumeur on a affaire. Puis pourtant, c'est un élément assez important pour poser un diagnostic précis. Mais il existe une méthode pour rendre compte de la texture des tissus à l'intérieur du corps. C'est l'élastographie par résonance magnétique. Bon, c'est une technique qui a été développée aux États-Unis pour les maladies du foie. Puis l'idée, en fait, c'est assez curieux, c'est d'envoyer des ondes sonores dans le foie et de mesurer ensuite comment le foie vibre sous l'effet de ces vibrations. Puis si le tissu est mou ou dur, il ne va pas vibrer de la même façon. Donc c'est en quelque sorte un appareil qui mesure l'élasticité du foie. Et ce que les chercheurs du SNRC ont fait, en fait, c'est qu'ils ont adapté cette technique au cerveau? Ben, c'est exactement ça. En fait, c'est des chercheurs de Winnipeg. Alors, il y a plusieurs utilisations de cette technique parce que, bien sûr, ça permet de préciser le diagnostic et de préparer une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur du cerveau. Donc, on peut connaître le type de tumeur que c'est avant d'aller interagir pour de vrai, d'ouvrir la boîte crânienne pour de vrai. Mais ça permet aussi de développer des meilleurs simulateurs pour les futurs neurochirurgiens. Parce que maintenant, les étudiants en médecine, ils font souvent des opérations virtuelles pour apprendre avec des simulateurs. Donc, ils ont des instruments à la main, ils sont équipés comme des chirurgiens et ils opèrent une image finalement. C'est comme ça qu'ils font leur apprentissage. Seulement, l'image ne permet pas de donner une idée de la consistance de ce qu'ils opèrent, quel que soit ce qu'ils opèrent. Donc ils savent pas exactement ce qu'ils ont sous le scalpel ou sous les pinces, et donc quelle pression mettre sur le tissu qu'ils apprennent à opérer. Et puis c'est important de d'appliquer la bonne tissu. Si on veut enlever un corps, quelque chose, ben faut y mettre la bonne pression. Sinon, ouais, soit on le rate, soit on passe à travers, soit on perce. Bon. Donc c'est un nerf, c'est ça. Ben, c'est ça, donc c'est important. Donc l'outil développé par les chercheurs de Winnipeg permettra d'ajouter l'élasticité dans le simulateur. Donc les étudiants pourraient opérer le cerveau, voir l'image, mais aussi ressentir la consistance des tissus sous leurs instruments. Donc, en fait, pour les curieux de ce genre de recherche sur le cerveau, mais il y a d'autres articles fort intéressants dans ce même bulletin électronique du CNRC. Ça s'appelle, ce bulletin, en fait, il s'appelle Dimension. Et bon, vous le trouverez sur le site du CNRC. Mais pour l'instant, ben, je propose qu'on se repose le cerveau avec une pause musicale sur CKRL au 89,1.